J'ai créé cette entité, cette extension de moi-même, qui contient non seulement l'intégrité de ma personnalité, combinée aux ressources presque illimitées d'un cerveau électronique, mais encore la formidable puissance dont dispose ma planète. Bonjour à tous, un épisode de Travailler Autrement consacré aujourd'hui à Hajime, un projet de danse en duo qui se prépare actuellement à la ferme de Très-Envie. Hajime, ce sont deux danseurs, Lia qui vient d'Ariège et qui est danseuse et chanteuse au sein d'un groupe Bal à la voix, et Anatole qui vient de Charente, qui est lui-même danseur. Anatole, bonjour. Salut. Lia, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Diben. C'est beau aujourd'hui. C'est chouette de vous avoir ici. Est-ce que vous pouvez présenter votre projet? Qu'est-ce que vous travaillez là, à Très-Envie, en secret, et qui sera a priori révélé demain 6 avril à partir de 19h30? Alors, c'est un duo. On est deux danseurs. On s'est connus dans l'univers du bal. Et là, on est plus dans le champ de la danse contemporaine. C'est une création qu'on a démarrée en septembre dernier. On a prévu de la boucler pour octobre prochain, donc on est à peu près à mi-parcours. Et là, on est à la ferme de Très-Envie pour 5 jours. Donc demain, c'est la fin de ces 5 jours. On présente une étape de travail, une sortie de résidence. C'est un duo qui est sur le thème du couple. Nous, on est parti de l'interaction qu'il peut y avoir dans un duo. On a beaucoup travaillé sur des manipulations corporelles et sur différentes manières de les donner et de les recevoir. Du coup, on en a dégagé plein de processus différents qui fait que le corps et les corps vont raconter des histoires d'interactions différentes, en fait. Et en fait, avant le projet Hajime, on avait travaillé une bonne année ensemble en résidence pour partager au niveau pédagogie, au niveau de nos créations personnelles, et aussi au niveau vie perso, pour s'aider à pousser, à se faire grandir, avoir des yeux extérieurs. Et c'était des semaines de résidence. Et du coup, là, c'est parti d'ici, là, les manipulations corporelles. Et en parallèle, on racontait beaucoup aussi nos couples, nos vies, nos interrogations sur le masculin, sur le féminin. Et tout ça a donné naissance à Hajime. Ok, donc Hajime, c'est le nom du projet. Est-ce que c'est une entité, il y a un sens? Alors le nom, pensé complètement, c'est Hajime ou les fiançailles du bâton. Et Hajime, c'est le salut dans certains arts martiaux. C'est un mot japonais qui signifie le point de commencement. Et voilà, ça nous a inspirés, notamment parce qu'on s'inspire de certaines pratiques d'arts martiaux. Moi, je pratique l'aïkido. On a pas mal bossé dans nos sessions d'entraînement corporel à base de travail avec des armes. On parle d'armes, c'est des bâtons en bois qui figurent des sabres, des bâtons. Dans ce travail de la confrontation, quand on est face à quelqu'un qui a un choc ou qui a une forme d'agression ou autre, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on se carapate? Est-ce qu'on se fige? Est-ce qu'on rentre dedans aussi? Ça a été un des points de départ de travail de ce projet. Par rapport à ta question, il n'y a pas un fil narratif. On n'est pas dans une histoire ou des personnages. On est plus à camper des... À un moment, le mot d'archétype est venu par rapport à ce qu'on porte en tant qu'homme et en tant que femme dans la société dans laquelle on a grandi, dans laquelle on vit. Et on fait naître différents modes de relations qui mettent en jeu ou en lumière les choses qu'on peut porter en tant qu'homme et femme, autant dans la relation amoureuse que dans d'autres contextes, quand on interagit. Vous m'avez parlé tout à l'heure, en préparant l'émission, vous m'avez parlé de l'intervention de sonorités, de sons, de samples ou d'éléments que vous êtes allé pêcher, ou que vous allez pêcher, puisque vous êtes encore en création et tout ça. Et qui du coup ça va être intégré à une bande son dans le cadre du spectacle. C'est quoi votre manière de travailler et qu'est-ce que vous allez pêcher? Alors, on est au vivier là, on est obligé de parier un peu de pêche pour être dans le local. Alors c'est parti, on a commencé cette aventure-là dans la période de recherche qui a précédé notre décision à nous engager dans la construction du duo. Donc c'était peut-être au printemps dernier. On avait construit une petite grille d'entretien autour du désir, du couple, de la relation homme-femme qu'on traversait avec différentes personnes qu'on croisait de notre entourage en enregistrant ça. Et puis à un moment, on s'est dit que ça allait pas que nous nourrir là dans nos questionnements, mais qu'on allait peut-être s'en servir au niveau du son pour le spectacle dans lequel on se lançait. Donc c'est des entretiens de entre 10 et 20 minutes qu'on mène. Là par exemple, aujourd'hui, on en a mené avec des gens de la ferme de Très Envie, donc les lieux dans lesquels on passe en résidence, avec des gens qu'on peut côtoyer dans notre entourage. Et pour la présentation de travail à la sortie de résidence de demain soir, on n'a pas encore eu le temps de construire des fichiers son, donc on va juste, on a fait un petit travail de tri, de sélection de certains passages issus de ces entretiens, qu'on va lire pour le partager avec le public de vive voix. Et à terme, on n'est pas encore très clair sur quelle forme finale ça aura, mais on sait qu'on va utiliser toute la diversité de ces fois qu'on a recueillies et de ces façons de vivre, de voir les choses dans la relation homme-femme, pour ponctuer le spectacle, ici et là, en parallèle avec la danse, ou peut-être dans des moments de silence et de noir, on ne sait pas encore, mais ce sera présent. Cette séquence de résidence, vous me disiez que c'est un élément, ou en tout cas une séquence parmi d'autres séquences. Vous comptez vous revoir à quelle fréquence ? Notre prochaine résidence, elle est prévue en mai. D'accord. Donc on aura 5 jours aussi de résidence. Et puis après, en juin, on aura presque 10 jours. Ça sera notre plus longue résidence jusqu'alors. Et après, on se verra pas l'été, mais on se retrouvera en septembre pour peut-être jusqu'à 3 semaines de résidence. On a réservé 3 semaines, comme on veut boucler le projet pour début octobre. On a pris la décision de s'engager dans ce duo en septembre dernier. Et on a bossé depuis en décembre, en janvier aussi. On avait fait une première sortie de résidence en mariage en décembre. D'accord. À la Limonaderie, un lieu de diffusion culturelle à Foix. On avait présenté une dizaine de minutes, donc c'était dans un format de cabaret avec plusieurs autres propositions. Mais il y avait déjà de la matière qui était en cours de construction à ce moment-là. Et là, ce qu'on présente demain soir, ça réutilise des choses transformées de cette époque-là, plus d'autres qui se sont construites entre-temps. La Limonaderie, c'est là où vous avez démarré l'histoire alors. Et c'est aussi un lieu, donc tu parlais de pôle culturel, c'est un lieu où vous avez su trouver ou pu trouver des appuis autres que artistiques. Enfin, vous êtes sur le plan administratif, j'ai pu comprendre. Ouais, on commence un accompagnement ensemble. Enfin, ils nous ont proposé de nous accompagner. Et du coup, nous, on s'est lancé dans ce projet sans structure associative derrière. J'ai le projet de monter une compagnie plus tard pour porter ce projet-là et d'autres, mais pour l'instant, elle n'existe pas. Et du coup, la Limonaderie, eux, ils ont une structure associative, donc ça nous permet de pouvoir s'appuyer sur eux juridiquement. Sans vous encombrer, j'imagine, de tracas administratifs, voilà. Et tout ça. Quoi. Sans nous en fait, encombrer vous pouvez tout ça. Vraiment vous concentrer sur la créa. Et... Donc on le rappelle aux auditeurs et aux élus qui nous écoutent, on a besoin de lieux culturels et de lieux pour accompagner les beaux projets. Ça, peut-être en complément, il nous accompagne sur ce projet-là, mais il t'accompagne aussi en tant qu'artiste dans les autres... projet dans lequel tu peux être, ton trio en chant et puis ton solo. Alors surtout sur le solo, sur mes deux projets en création, sur le solo et sur le duo d'Adjimé. Et ça c'est parce que tu t'es sur le secteur et donc tu as pu t'appuyer vraiment, enfin toi tu viens d'Ariège. Ouais. Et tu as pu t'appuyer en région sur une structure qui effectivement t'accompagne. Après je l'ai connue en création quoi, ça fait un an ou un an et demi qu'elle existe. Et j'ai participé aussi en rencontrant les gens parce que je trouvais super qu'une structure comme ça, qui se veut aussi fédératrice au niveau des artistes de la région et vitrine quelque part pour pouvoir permettre aux artistes de se montrer et de voyager après avec ce qu'ils ont à dire ou ce qu'ils ont à chanter. Du coup, c'est des gens que je connaissais au niveau humain et au niveau de la Limonaderie, quoi, que j'ai rencontré comme ça. Et voilà, c'est aussi eux un créneau qu'ils avaient envie de développer, d'accompagner des artistes. Et ça, c'était pas encore créer comme pôle, donc ça c'est un moyen de le créer pour eux. Accompagner au niveau matériel, technique, et puis aussi au niveau connaissances administratives, recherche de subventions, etc. C'est toujours un point qui peut être lourd quand on doit assumer tout bien à sûr, la fois, en tant que danseur ou autre. Et du coup, le fait de trouver, d'avoir des gens qui sont partants pour prendre en charge cette part-là du travail, c'est un gros boost. Puis ça va vous apprendre à voler de vos propres ailes. Et, le fait de travailler à 13 envies, ou en tout cas de choisir de venir travailler à 13 envies, ça correspond à quoi? C'est un choix? C'est l'envie de nomadiser un peu la phase de créa pour rencontrer d'autres gens? Il y a plusieurs choses. Du coup, nous, nos yeux pour cette période-là étaient sur la Bretagne. On avait aussi envie de rencontrer d'autres, enfin plusieurs lieux en fait dans nos périodes de création et de rencontrer plusieurs réseaux, gens, de se nourrir aussi des entretiens des gens de chaque lieu. Après, très envie, ils nous ont proposé de nous accueillir gratuitement en résidence, c'est-à-dire de mettre à disposition un espace de travail. Ça, c'est très rare. Et c'est très précieux. Parce qu'on n'a pas de fonds de fonctionnement. Encore une fois, ça rejoint ce côté support, c'est-à-dire trouver une structure qui, à un moment donné, s'affranchit un peu des codes du métier, qui veut qu'on monte un dossier, qu'on récupère des subventions, ça allonge les délais considérablement. On est tous dans ce giron artistique un peu confrontés à ça. Et effectivement, ça fait du bien de tomber sur des structures qui, à un moment donné, vont de l'avant, font les choses. Et c'est courageux, ça se salue. D'ailleurs, on salue Briac et Charlotte, de Très Envie. Et on pense bien fort à vous, de notre bout de rocher du bord de mer. Il y a aussi une autre, pour continuer à répondre à ta question, une autre raison pour laquelle on est venu là, c'est que, comme dans tout projet de création en danse, le fait d'être en résidence dans différentes zones, ça met en contact avec différents réseaux, et dans la perspective d'une diffusion derrière, le fait de donner à voir le travail en cours d'évolution, ça simplifie la tâche derrière pour faire vivre le projet. Notre duo se veut à jauge intimiste, avec un contact intimiste avec le public. Et là, l'espace de travail proposé, c'est une grande yourte. Et du coup, c'est l'espace très adapté, parfait, en fait, au niveau taille pour ce projet, quoi. Pour une jauge de 40-50 personnes, en étant pas très éloigné des gens. Est-ce qu'il y a une chanson, une musique particulière, quelque chose qui vous inspire, là, que vous avez envie d'écouter? On utilise pas mal une musique de Stav Bendabilili, Sala Keba, pour un des tableaux sur lesquels on travaille. On pourrait écouter ça avec joie. Ok, allons-y. C'était Sala Keba par le staff Benda Bilili. On retrouve Lia et Anatole dans le studio, qui sont porteurs du projet Hajime. Est-ce qu'il y a des écrits sur lesquels vous vous êtes basés pour, je sais pas, des bouquins des... Ouais, on a pas mal bossé avant qu'on s'engage dans cette décision de construire un duo qu'on allait tourner, dans la phase de recherche, en quelque sorte. On a eu plusieurs temps de résidence où on a travaillé sur ce qu'on appelait des lectures manipulées. L'un de nous deux lisait un bouquin pendant que l'autre le manipulait corporellement et dans les bouquins qui nous ont nourris. Alors, il y a L'école de la respiration de Itsuo Tsuda, un livre de Christiane Singer qui s'appelle L'éloge du mariage, de l'engagement et autres folies. Un livre qui réunit plusieurs auteurs qui s'appelle Fragilité, force ou faiblesse. Voilà, les okay. principaux sur lesquels on a beaucoup bossé pour nourrir le travail du corps. J'imagine que vous êtes en train de monter peut-être un Facebook ou quelque chose où les gens peuvent retrouver des choses, peut-être qu'en cherchant à gymer, spectacle. Moi, j'ai mon site internet qui me sert pour les différents projets dans lesquels je peux être impliqué, tant artistique que pédagogique. Donc, ok, on peut peut-être le nommer, histoire que les auditeurs puissent aller peut-être rechercher un peu d'infos, si tu relayes l'info aussi peut-être sur... AnatoleLearn.com. Pour l'instant, il n'y a pas d'infos sur Hajime parce qu'on ne l'a pas encore sorti, okay. Mais quand ce sera prêt en octobre, je créerai une petite page sur le site pour parler du projet et puis donner les dates de tournée. Génial. En attendant, ça se passe demain, le 6 avril, vendredi, 19h30. C'est à la ferme de Trésenvie. C'est à prix libre. Et les bénéfices de demain soir, a priori, de ce que j'ai compris, vont à l'association qui gère le lieu. Oui. Trésenvie. Anatole, merci. Merci à toi. Lia, merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Salut. J'ai créé cette entité, cette extension de moi-même, qui contient non seulement l'intégrité de ma personnalité, combinée aux ressources presque illimitées d'un cerveau électronique, mais encore la formidable puissance dont dispose ma tablette.